Le porte-parole de la direction nord du comité d'enquête spéciale de toute la nation sur les dessous des crimes des troupiers américains a publié le 21 un entretien. En voici le résumé. Il est révélé que les États-Unis développent l'expérimentation du virus Zika à la base américaine à Ryongsan en Corée du Sud, à la grande indignation de tous les milieux sud-coréens. En même temps, il est connu de tout le monde que le département américain de la défense a défini les bases militaires américaines à Ryongsan de Séoul, à Osan de la province de Gyeonggi et à Gunsan de la province de Jeolla du Nord, ainsi que le 8e quai du port de Busan comme endroit d'application du plan Jupiter visant à rehausser la capacité d'une guerre biochimique, ce qui déchaîne la protestation et la condamnation plus véhémente de tous les milieux sud-coréens. Maintenant, la population sud-coréenne, indignée par l'exploitation des armes bactériologiques et biochimiques des États-Unis, s'engage dans la lutte pour éclaircir les dessous. Toutefois, les États-Unis et les autorités sud-coréennes, qui n'ont jamais introduit les échantillons du virus Zika, et que c'est pour améliorer la capacité de détection, pour voiler leurs crimes et tromper l'opinion publique. En effet, la réalité montre que les États-Unis sont la bande barbare jamais vue qui a réduit la Corée du Sud en seul des morts pour exterminer la nation coréenne et la horde des assassins, s'évertuant à la provocation d'une guerre bactériologique et biochimique sans égard au droit international. Toute la nation ne peut pas survivre si on laisse tel quel les assassins américains s'affairant à tramer les complots de la guerre nucléaire contre le Nord et de la guerre biochimique destinée à exterminer la nation coréenne et aussi les traîtres à la nation pro-américaine. La population sud-coréenne de toutes les couches doit s'engager comme un seul à la lutte pour repousser les menées criminelles des Américains et de leurs marionnettes visant à réduire le territoire de la patrie sacrée en centre désastreux de la guerre nucléaire et de la guerre biochimique.